Le charlatan. Fable numéro 19 du livre 6e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le charlatan. Le monde n'a jamais manqué de charlatans. Cette science de tout temps fut en professeur très fertile. Tantôt l'un en théâtre affronte l'Achéron, et l'autre affiche par la ville qu'il est un passe cicéron. Un des derniers se vantait d'être en éloquence si grand maître qu'il rendrait, disère, un badaud, un manant, un rustre, un lourdeau. « Oui, messieurs, un lourdeau, un animal, un âne. Que l'on m'amène un âne renforcé, je le rendrai maître passé et veux qu'il porte la soutane. » Le prince sut la chose. Il manda le rhéteur. « J'ai, dit-il, en mon écurie, un fort beau roussin d'Arcadie. J'en voudrais faire un orateur. »« Sire, vous pouvez tout, reprit d'abord notre homme. » On lui donna certaines sommes. Il devait, au bout de 10 ans, mettre son âne sur les bancs. Sinon, il consentait d'être en place publique, guindé la hare au col, étranglé Courénet, ayant au dos sa rhétorique et les oreilles d'un baudet. Quelqu'un des courtisans lui dit qu'à la potence, il voulait l'aller voir, et que, pour un pendu, il aurait bonne grâce et beaucoup de prestance. Surtout qu'il se souvint de faire à l'assistance un discours où son art fut au long étendu. Un discours pathétique et dont le formulaire servit à certains cicérons, vulgairement nommés larrons. L'autre reprit. « Avant l'affaire, le roi, l'âne ou moi, nous mourrons. » Il avait raison. C'est folie de compter sur 10 ans de vie. Soyons bien buvants, bien mangeants. Nous devons à la mort de 3, l'un en 10 ans. Fin de Le Charlatan, fable numéro 19, livre 6e, des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public.